Il vous parlait tout le temps, on se croirait au théâtre. Ça distrait, puis c'est reposant. Vous ne me prenez pas au sérieux. Il vous parlait tout le temps, on se croirait au théâtre. Bienvenue sur la chaîne de podcast du Théâtre de Belleville. Ici, j'écoute des gens me parler de théâtre et de création. Aujourd'hui, j'ai rencontré le collectif La fin du soir tard, qui débarque au Théâtre de Belleville avec sa pièce Mu, pour 4 représentations, les 22, 23, 29 et 30 avril. On a parlé première création et mise en scène, on a parlé production et diffusion, écriture aussi. Et on a tenté de donner un bout de réponse à cette question. Qu'est-ce que c'est en fait faire du théâtre ? Jean Eustache, Juliette Doucet et Agathe de Vispelard, vous êtes comédien et metteur en scène notamment de la pièce Mu, qui monte sur scène le 22 avril au Théâtre de Belleville. Alors en fait, on vient tous du conservatoire du 8e arrondissement de Paris. On s'est rencontrés là et on est tous tombés amoureux les uns des autres et on a décidé de créer un collectif. La fin du soir tard, parce que souvent on avait des super idées très tard après des longs dîners interminables comme beaucoup de gens. Et ensuite, on a commencé à créer un premier spectacle qui s'appelait Jusqu'au premier sapin, qui était une adaptation de Comme il vous plaira de Shakespeare. Et là, c'est notre deuxième création, Mu. Voilà. Ok. Rien à ajouter. C'est une création collective, c'est-à-dire... Donc nous, effectivement, on n'est pas une compagnie, on est un collectif, c'est-à-dire qu'on n'a pas une figure, un metteur en scène qui chapeauterait tout un projet. Les rapports de création entre nous sont complètement horizontaux. On crée de manière égale, que ce soit en tant que comédien, metteur en scène... Auteur de la pièce, voilà. Et on a travaillé aussi avec une scénographe qui s'appelle Charlotte Arnaud, qui nous a suivis sur toute la création de Mu. Donc depuis deux ans. Et on fait souvent appel aussi à des regards extérieurs. En fin de création, là, on a été aidés de Marie Thiébault et de Thomas Bleton, qui ont travaillé déjà avec nous, qui travaillent avec nous sur d'autres projets. Okay. Donc on fait appel quand même à des regards au dernier moment pour avoir un recul un peu aussi. Et c'est une écriture de plateau, c'est-à-dire que le spectacle s'écrit en temps réel pendant les répétitions. On ne part pas d'un texte déjà écrit et prédéfini. Le travail se fait à partir d'improvisations qui après sont retravaillées, raffinées par nous. Qui ramènent des moments d'écriture et ainsi de suite en fait. Le texte se construit avec la scène au plateau. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler de Mu ? Qu'est-ce que ça raconte ? C'est quoi cette pièce ? Alors en fait, c'est venu parce que on avait notre metteuse en scène, Juliette Allemand, qui partait pendant un an à l'étranger. Et on s'est dit, mon Dieu, comment on va faire ? On va créer un spectacle sans elle. Et on se sentait un peu abandonnée. Il y avait un autre garçon de la compagnie, Nathan Josny, qui partait aussi dans une autre école. Et pas encore Erwan, mais Erwan est parti après dans une autre école aussi. Et en fait, on voulait travailler sur que ça nous faisait de nous sentir seuls quelque part, de prendre la distance avec des gens avec qui on est proche. Et voilà, donc en fait, c'est commencé à partir de là. On est parti dans des correspondances. Et après, à force de ces correspondances, on a arrivé à un travail au plateau qui a abouti sur quelque chose qui avait absolument rien à voir, mais qui quand même traite de personnages qui sont dans un moment de transition, en tout cas, qui doivent passer à autre chose. Peu importe que c'est autre chose, mais voilà. Ce qui est très dessiné dans le spectacle, c'est nos personnages qui ont tous des caractères très, très forts, très dessinés. Et en fait, chacun de ces personnages commence à un certain état dans le spectacle, un état de solitude quelque part, un état... Et chacun va devoir... changer de peau en fait. Un moment du spectacle, ils vont comprendre quelque chose qui vont les faire devenir quelqu'un d'autre. C'est pour ça que le spectacle s'appelle Mu, car ils vont tous quelque part tourner évoluer. Une page. Et, voilà. Ok. Et donc il y a une histoire précise un peu. Alors en fait, ça se passe chez un personnage qui s'appelle Gabriel, qui décide d'organiser une grande fête avec des gens qu'elle connaît plus ou moins ou pas du tout. Et elle habite toute seule avec son chien. Et en fait, elle va inviter plusieurs personnes. Elle va inviter, par exemple, une ancienne star de la publicité que personne ne va reconnaître. Carole Pouillet. Carole Pouillet, que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux si vous êtes curieux. Elle a vraiment un Instagram. Elle a vraiment un Instagram au nom de Carole Pouillet. Génial. Si vous voulez un aperçu du spectacle, ça, c'est un peu notre com. Il y a Suzanne qui va venir parce qu'elle veut rejoindre quelqu'un qui n'arrivera jamais, elle le sait, mais elle vient quand même. Il y a Paul Polo qui va arriver et qui est tout seul et qui se passe des coups de téléphone à lui-même. Enfin, c'est vraiment des gens complètement perdus. Et en parallèle de ça, on suit une jeune fille qui s'appelle la femme lézard, qui est dans un état que vous découvrirez, mais qui n'est pas en très bonne forme de l'extérieur, et qui essaie d'arriver quelque part, qui est dans son marécage, qui vient de vivre des trucs pas possibles, qui vient de perdre sa peau, et qui va arriver dans cette fête, alors qu'elle n'était pas invitée. Enfin, pas invitée, vous verrez. Mais elle va arriver au milieu de tout ça, et en fait, une fois qu'elle est là, toutes les mues vont se déclencher chez les personnages, elle va faire que tout explose, tout évolue et que les gens se rencontrent ou pas, ou essaient de se rencontrer, mais elle va, de son arrivée pas attendue, bah... Mais l'histoire est un peu délicate à décrire parce que l'histoire de Mu, c'est la rencontre de plusieurs histoires, quoi. Mm-hmm. Après, on travaille sur un univers qui est un peu celui de... un univers un peu absurde, on a des références qui sont partagées comme un secret entre nous pour la création. mais c'est, voilà, on s'inspire beaucoup de l'univers de Quentin Dupieux ou de David Lynch, qui sont des cinéastes qu'on aime beaucoup dans leur univers d'étrangeté, de bizarrerie, d'absurde, voilà. Et c'est très onirique comme spectacle. Et en fait, c'est de par ce conte-là de la femme lézard que finalement, toutes des histoires beaucoup plus intimes qui pourraient arriver à chacun de nous sont développées, en fait, qui sont inspirées de ce conte-là. Et la scène est un peu considérée, voilà, comme... tu parlais du mot onirique, mais c'est ça, c'est comme, la scène est un peu considérée comme un rêve, comme un espace mental, plutôt que quelque chose de très réaliste. Ok. Et du coup, donc là, ça vous est venu de par le départ d'une de vos camarades. Mais est-ce que c'est une pièce aussi qui a l'image de, par exemple, de la jeunesse d'aujourd'hui, enfin, à qui ça peut s'adresser? Alors, qu'est-ce que ça peut représenter aussi? Est-ce que c'est universel ou est-ce que c'est vraiment propre à la génération Y? Je pense que c'est universel. Après, il y a quelque chose de... On voulait vraiment parler de ces histoires de communication. Enfin, on est vraiment dans une ère de la communication où les gens, en fait, ont un téléphone devant eux et du coup, ils ne peuvent même pas se parler. Voilà, comme on dit actuellement. Ils ne se parlent jamais directement. Et en fait, du coup, on se disait, mais c'est incroyable. On est en train de faire tout développer pour être le plus ensemble possible. Et finalement, quand on se retrouve face à quelqu'un, on est complètement démunis et on n'arrive pas à être simple, naturel et tout ça. Et donc c'est ça qu'on avait envie de raconter, ces choses-là. Et après, on a vraiment envie de parler... c'est des choses qui arrivent beaucoup dans la jeunesse, mais qui arrivent à tout moment de la vie. C'est que nous, on apprend à devenir adulte, on a des nouvelles expériences qui nous bouleversent et tout ça. Et comment on continue à avancer, en fait, avec ces expériences qu'on n'attend pas, avec ces histoires d'amour qui nous foutent complètement en l'air, et comment on arrive à rester ensemble dans un groupe, à travailler collectivement. Et c'est trop beau. Et en fait, là, dans nos 3 ans d'écriture, il y a toutes nos histoires personnelles à nous qui sont à l'intérieur, et des fois elles ont évolué et on se dit, oh mon Dieu, j'étais comme ça il y a 3 ans. Ouais. Et c'est super beau, en fait, du coup, de voir cette évolution-là. Ouais. Donc c'est vraiment à votre image. Ah oui. En tant que collectif aussi, ouais. Et en tant qu'humain. Ça parle de ça aussi de manière très subtile. Enfin, même, je crois, sans qu'on s'en soit rendu compte, il y a cette question-là de faire collectif alors qu'on est tous des singularités, alors qu'on a tous nos problèmes intimes. Comment continuer à arriver à donner autant, à écrire ensemble, à être sur la même longueur d'onde alors qu'on est tous dans nos, ouais. dans nos rêves et dans nos bouleversements. Et après, je crois qu'il y a aussi quelque chose qui, moi, me touche beaucoup dans nos personnages, qui sont un peu des gens à côté de la plaque par rapport au monde actuel. Et Louise, une des comédiennes qui joue Carole Pouillet, les appelait un peu les grands brûlés de notre époque. Comme si ces personnages qui avaient des choses tellement sensibles en eux, tellement, en fait, différentes, étaient toujours à la côté de la vitesse dans laquelle... on vit actuellement cette vitesse de la communication. Okay. Voilà. Et là, vous disiez que cette pièce, vous l'aviez commencée il y a 2 ou 3 ans. Oui. Mais à quel rythme vous avez travaillé, justement, pour cette écriture au plateau, cette écriture collective? Mais aussi, est-ce que c'est pas difficile, comme ça, de voir un projet qui met autant de temps à aboutir, même si c'est nécessaire? Mais au niveau de la création, ça doit être compliqué aussi d'avoir cette patience-là, alors qu'on a besoin aussi de travailler, de vendre une pièce rapidement pour vivre en tant que comédien et metteur en scène. Une sacrée patience, ça s'est passé comment pour vous? Bah, en fait, je pense qu'on ne se pensait pas quand on l'a commencé que ça prendrait 3 ans. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on joue ce spectacle, on est content et on se dit c'est une version plus ou moins. La première fois, c'était vraiment pour le coup, on savait que c'était une maquette, mais on n'avait pas travaillé tant que ça. On fait des sessions de résidence en fait, donc on part 15 jours travailler ensemble à fond. C'est pas toutes les semaines pendant un an, enfin vraiment, c'est des périodes de travail. On a joué cette maquette-là, c'était aussi beaucoup pour avoir des regards, des retours, et on savait qu'on retravaillerait après. Sauf qu'on a retravaillé beaucoup sans la présence de la personne avec qui on avait commencé la correspondance, qui s'appelle Juliette Allemand, qui a été vraiment une aide en écriture aussi, qui a aidé à faire de la dramaturgie, qui a été quand même très présente après cette maquette. Et là, on est vraiment sans elle. Donc même dans les 3 ans, il y a eu plein de modifications. Votre première maquette, vous l'aviez présentée quand ? En 2016, en fait. 2016, à l'espace. On a commencé à bosser en automne-hiver 2015-2016 et on l'a joué au printemps 2016 à l'espace Beaujon. Et ensuite, il y a un comédien, Erwan Vinès, qui joue mon amoureux, en fait, qui est parti. Qui est parti à l'ENSAT. Et là, il a fallu réécrire autre chose, en fait, de nouveau en plus. Et nous, on voulait évoluer de toute façon. Ouais. Ouais. Donc la pièce porte très bien son nom, elle bouge. Elle mue complètement, c'est incroyable. Évolution, Le sens du spectacle des vivant, gens qui y sont. C'est ça, c'est que... Ok. Et au niveau justement de la mise en scène, parce que justement vous parliez de la scénographie, d'un univers assez onirique, je crois qu'il y a un peu de musique aussi. Oui. Donc tout ça, c'est quoi votre parti pris? Alors en fait, déjà, pourquoi pas un plateau nu par exemple, ou c'était quoi votre choix en fait? Pour ce qui est de l'esthétique, on est vraiment dans déjà des comédiens qui revendiquons la pluridisciplinarité. Donc si à chaque fois que vous viendrez nous voir, que ce soit pour nos différents projets, il y aura forcément du chant polyphonique, il y aura forcément de la danse, forcément, voilà. Et ce qui est au niveau de la scénographie, donc c'est avec Charlotte Arnaud qu'on a travaillé et qui là fait partie d'un, donc on est parti sur un type de décor assez réaliste dans un premier temps qui est l'appartement de Gabriel où va se dérouler la soirée, mais qui peu à peu va être contaminé par Le marécage. Un marécage en fait extérieur, brumeux, mystérieux. Il y a plein de symboliques derrière, mais c'est il y a toujours un espèce de contraste immense entre l'archi concret dans notre travail et un décalage absurde, dérangeant, intranquille pour le spectateur, je pense. Qui va ouvrir une brèche vers de l'interprétation de une poétisation de quelque chose qui serait purement concret, banal et qui s'ouvre vers quelque chose de plus onirique, quoi. Ouais, c'est plus par le jeu des comédiens, par le dialogue, par leur rapport entre eux que va se créer l'absurde. Mais pour le spectateur, on l'ancre vraiment dans un espace où au moins il a des points de repère et la situation est très simple. C'est une fête chez quelqu'un et où on va pouvoir après les embarquer ils se disent bonjour comme ça, ah ça se passe comme ça, ah il y a un marécage, et d'un coup ils sont dehors, mais pour les emmener aussi progressivement avec nous. Si on commençait sur un nuage, je pense que ce serait compliqué pour eux de nous suivre. Et du coup, cette scénographe, c'est son métier, elle a fait une formation pour, vous l'avez rencontrée comment? Alors, elle était à l'ENSAT, elle a fait une formation à l'ENSAT, et en fait, on l'a rencontrée grâce à Thomas Bleton, qui est ici présent, pour ceux qui ne savent pas, et qui donc, nous a aidé en regard extérieur sur lui, et avec qui on travaille donc, au sein de la grosse plateforme, qui est un collectif, parce qu'on n'en a pas parlé, je crois, encore, qui a un collectif de collectifs. En fait, on a réuni trois collectifs au sein desquels on jouait tous plusieurs spectacles pour mutualiser tout ça. Et en fait, il y avait une création en cours qui s'appelle Rien n'y paraît avec donc Thomas Bleton Et on a fait appel à qui nous a présenté Charlotte Arnaud en tant que scénographe pour ce projet-là. Ça, c'est okay. dans la compagnie ouais. des Occiputes. Au sein de la, voilà, parce qu'il y a les Occiputes, la vie en feu et la femme du sorteur. Et du coup, c'est grâce à cette mutualisation finalement qu'on l'a rencontrée et on a D'accord. continué à travailler avec elle sur un autre projet aussi. Okay. Mais effectivement, voilà, ce qui est assez beau qu'on voit éclore, c'est que l'alliance de ces trois collectifs dont on vient de parler, qui forment donc la grosse plateforme, présage plein de nouveaux projets entre tous les membres, où on est quand même une vingtaine d'artistes du coup, mais d'artistes, danseurs, musiciens, comédiens, scénographes, administrateurs. Et ça inaugure voilà, plein de nouveaux projets et comme voilà, la présence de Charlotte, ça a été ça en est un exemple très précis quoi, là-dedans. Et donc là, quand vous créez en résidence, donc il y avait un espace scénique, vous avez pu justement tester la mise en scène avec le son, la lumière, ou alors, ça c'est venu après. C'est ce qu'on a essayé au maximum, mais ça a toujours été compliqué pour nous de trouver des espaces pour. On a travaillé au Vent se lève, où là on a pu vraiment avoir de l'espace pour notre scéno et de la lumière et travailler avec le son. Donc là, ça a été vraiment un moment très agréable, mais comme on a une grosse scéno, l'amener, on a joué à Avignon, enfin on a travaillé au théâtre de Notre-Dame à Avignon. On pouvait pas amener notre scéno là-bas, donc c'était à chaque fois des sacrifices à faire. À quel endroit on se dit ça, ben on l'utilise pas pour à ce moment-là du travail et tout. Et c'est vrai que c'est toujours complexe. Et mais on est pour l'instant au niveau où on est obligé de faire comme ça. En fait, les créations de lumière se faisaient souvent le jour même où on jouait le spectacle au Théâtre de la Cité Internationale qu'on a fait l'an dernier. Mais du coup, ce sont des conditions vraiment pas favorables en fait à la création. Et c'est sûr, quand on a un jeune collectif, trouver des salles qu'on puisse nous prêter ou où on puisse vraiment travailler dans de bonnes conditions, c'est toujours compliqué quoi. Ouais. Et là depuis très récemment, depuis cet hiver, on a un créateur lumière qui nous a rejoint sur Mu, qui s'appelle Vincent Tulot, et du coup qui était là au Vent se lève, qui a pu découvrir notre univers, essayer des choses, qui là est venu, on était en résidence au pavillon de la Toshine la semaine dernière, donc où il n'y avait pas de matériel, mais il a pu venir voir aussi un filage, enfin voir où on en était, et qui sera avec nous à Belleville. Et c'est aussi l'idée de créer des collaborations, quelqu'un qui nous suive, qui ait l'univers en tête, qui puisse nous suivre quand on jouera, on espère, ailleurs aussi, dans la suite. Et du coup, ça, c'est très nouveau pour nous aussi, d'avoir quelqu'un sur qui on peut se reposer et qu'on ne rentre pas le jour même avec toutes nos problématiques. Ouais. Donc ça, ça va être très agréable, je pense. Vous avez eu un peu une formation technique, justement, en son et lumière, parce que parfois, les relations avec les régisseurs, c'est un peu compliqué. Ouais. On a du mal. Vous avez fait une masterclass, c'était chouette. Ouais. Parce qu'on a du mal parfois à exprimer ce dont on a besoin. On n'a pas le vocabulaire. Et on n'a pas du tout le même langage. Donc, Là, on a vraiment de la chance, en tout cas avec Vincent... la communication se passe très bien à ce niveau-là. Il sait que nous, on connaît pas tout, évidemment. Et je pense qu'il comprend tellement, nous, où est-ce qu'on veut en venir, qu'il arrive à adapter, lui, après, avec... Et puis, je pense que dans notre démarche, lui, il vient vraiment du milieu de la musique. Il fait énormément de concerts, il travaille au Café de la Danse. Et il débute aussi dans le théâtre. Donc là, c'est la deuxième création qu'il fait avec nous, Lumière. Il a fait pour nous dans Chercher la femme, le spectacle des Occiputes qui s'est joué en mars au Théâtre de l'Opprimé. Il était avec nous et là il nous suit, et donc lui aussi il a un plaisir à essayer de découvrir le théâtre et comment mettre en lumière. C'est pas du tout les mêmes codes, c'est pas du tout, donc je pense qu'il a cette patience et que du coup qui fait qu'il peut nous accorder ce temps là cette énergie là aussi dans la création. Je vois que vous êtes tous encore jeunes. J'ai un peu checké vos CV sur Google aussi. Et justement, vous avez quand même déjà une grande expérience, peut-être de par vos formations, mais aussi là de tous les collectifs Occiputes, La fin du soir tard et La ville en feu. Et comment en fait vous avez fait pour être programmée là à Belleville ? À Belleville ? Ouais. Dans le cas de Belleville, c'est. C'est précisément parce que moi, j'ai travaillé avec une autre compagnie qui s'appelle la compagnie Désirade. Oui, j'ai vu Jean Eustache que tu avais joué. Et avec laquelle avec laquelle je travaille encore. Et on a commencé notre première création, donc Désirade, au Théâtre de Belleville. Et on avait été reprogrammé ensuite pour une seconde création qui s'appelle Eclipse. Et donc voilà, je suis comme un habitué du coup du Théâtre de Belleville. Et j'avais très envie de proposer mieux au théâtre. Parce que je pense que c'est complètement dans la ligne artistique d'ici, quoi. Voilà. Et là, pour ce collectif-là, est-ce que vous êtes accompagné par une chargée de production, enfin une chargée de production, diffusion ou... Ouais, le montage, la production est vraiment en cours. On est accompagné par une administratrice qui fait un travail super. Et par contre, la production. Il y en a deux. Lucie Skouratko et Juliette Bones. Et qui voilà, sinon après la production en tant que telle est en train d'être montée. Notre ambition c'est voilà de faire tourner le spectacle et on est sûr. Il y a plusieurs choses sur le feu quoi, voilà. Ouais, mais... Pour l'instant on croise les doigts. Voilà. Parce que là voilà, là les quatre dates du coup à Belleville, pour vous c'est une opportunité de présenter un travail plus ou moins abouti, vu qu'on a compris que la pièce elle a encore continué à évoluer pendant 20 ans. C'est peut-être un concept en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'on va faire venir voilà, plusieurs théâtres, plusieurs producteurs. Pour ces quatre dates, effectivement, c'est une chance pour nous. Si les gens veulent l'acheter pendant 10 ans, c'est possible, du coup. C'est la forme. Mais on ne sait pas à quoi ça ressemblera encore dans 10 ans. Non, nous. Et est-ce que là, vous avez d'autres dates pour MU? Non, pour l'instant, c'est vraiment... Si vous voulez passer un petit appel sur le podcast, n'hésitez pas. Par contre, au sein de la grosse plateforme, on a créé un site donc, qui est www.lagrosseplateforme.com. Qui sort aujourd'hui même, effectivement. Et par contre, on peut suivre là-dedans tout le travail des autres compagnies. Et notamment avec La Ville en Feu, on va rejouer notre création sur le Sacre du Printemps très prochainement. Voilà, quoi. Et en fait, c'est à suivre parce qu'il y a de plus en plus de spectacles qui se créent, de plus en plus de... Voilà, donc c'est toujours les mêmes personnes, le même goût, la même énergie, la même générosité, effectivement. Voilà. Oui, c'est ça qui est aussi surprenant dans vos profils, c'est que La Ville en Feu, donc le projet que vous aviez, le Sacre du Printemps, vous avez participé à Danse Élargie. Ouais. Qui est, je crois que c'est le théâtre de la ville, ouais, qui organise une sorte de concours chorégraphique. Et donc vous êtes à la fois vraiment implanté dans la danse et en même temps très implanté aussi dans le théâtre. Oui. Et donc ça pour vous c'est une chance aussi, enfin de, ah oui, oui, enfin sur scène voilà, vous transmettez. Mais du coup en fait ce qui est très beau c'est que je crois que en nous voyant en tant qu'acteur on sent le corps des danseurs qui est en nous quelque part. Ce qui donne présence. Beaucoup de puissance au jeu, je pense. Et en tant que danseur, alors peut-être qu'on n'a pas une technique virtuose de classique, etc. Mais on nous voit quelque part interpréter. Il y a une liberté, en fait. Ouais, il y a quelque chose de l'ordre de la sensation, d'un travail très incarné d'acteur. Et en fait, c'est tellement des disciplines, et même au niveau du chant, hein, parce que le travail avec La Ville en Feu, c'est aussi beaucoup de sur la voix. Hein. Et en fait, voilà, tout ces... le fait de se former à ces trois disciplines-là, elles se nourrissent mutuellement, réciproquement, et ça fait grandir quelque chose. C'est le fait d'assumer qu'on n'a pas besoin d'être virtuose pour faire des belles choses, en fait. Pour transmettre. Oui. Ok. Dans la création vocale, chanson, polyphonie, c'est vous qui avez écrit, qui avez composé? Non, celle-là, non. Quasiment tous les chants, en fait, ce sont des chants qui existent déjà. D'accord. Et après, qu'on a adapté, soit qui n'étaient pas polyphoniques, on les a adaptés en polyphonie, ou alors on a changé les paroles. Il y a un chant gospel où ça devient un chant sur les madeleines. Enfin, mais c'est vrai qu'on aime bien les déformer, mais ça va de Bach à un gospel, à Starmania, voilà. un chant basque très éclectique. Et ça, le chant, la danse, vous l'avez eu dans votre formation ou... Oui, d'accord. On a tous eu un peu les mêmes formations, en tout cas, on était dans les conservatoires d'arrondissement en théâtre, donc nous beaucoup au 8e, du coup. Avec Marc Ernotte. Et ensuite, on a fait de la danse avec Nadia Vadori-Gauthier dans les cours de danse au sein des conservatoires. Où là on s'est tous rencontrés avec La Ville en Feu et les Occiputes également. Et en chant, on a eu aussi des chants en conservatoire dans le 19e et 8e. On a été nombreux à suivre les cours notamment de Florence Godefroy aussi. Au 19e. Super professeur. Ouais. D'accord. Donc c'est pratique parce qu'on a les mêmes bases et du coup le même vocabulaire. Ouais. Okay, et c'est pour ça qu'on a. C'est assez facile de créer ensemble dans ce côté pluridisciplinaire en fait. Alors pour nous donner envie de voir la pièce. Comme c'est un podcast, ça ne sert à rien que je vous filme en train de danser ou que je filme votre pièce. Mais comme vous chantez dans la pièce, est-ce que ça vous dirait de nous chanter un petit truc polyphonique? Ouais, avec plaisir. Super. Kibanishio nerei zongozen ezuenai begingo egoak ebakibanishio nerei zongozen ezuenai begingo baina Choria zongo, baina nonela, ezenge yago choria zongo, etani, choria nue maite, etani. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Et le lundi, vous jouez à 19h. Les deux lundis, oui. Les deux lundis. Donc les deux lundis, jusqu'au 30 avril. C'est donc, ça. Et bien, on vous y retrouve avec plaisir. Merci. Et merci pour votre temps. Merci. Merci beaucoup. Cet épisode a été enregistré dans des conditions un peu particulières, propres au théâtre, et donc dans le théâtre de Belleville, avec des compagnies en répétition à côté, Marie, notre chargée de billetterie, qui répondait au téléphone pour prendre vos réservations, comme toujours, avec beaucoup de passion. Donc voilà, vous nous excuserez pour tous ces bruits un peu parasites, mais ça ne change rien au message. Venez découvrir donc le spectacle Mu du collectif de la fin du soir tard, le 22 et 29 avril à 15h et les 23 et 30 avril à 19h au Théâtre de Belleville.